très bel après-midi à l'écoute des programmes de la Première. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Voici les signaux de télémesure reçus du laboratoire spatial pour études et analyses ultérieures. Cette semaine, de l'année géophysique internationale, je m'appelle Ed Snowden, j'ai 29 ans, à une chasse à l'homme internationale. Le big data, avant les ordinateurs, c'est une longue histoire. Big data et whistleblower. Le silicium écrase parfois le neurone. Tous ces chiffres, une fois récupérés et bien stockés, il manquera 200 000 data scientists. Il y a une volonté de rendre ces données publiques. Si Turmoil décide que votre navigation est suspecte, il transmet l'info à Turbine, qui redirige votre requête vers les serveurs de la NSA. Début mai, je vais lire ce manuscrit chez l'agent. Le 15 mai, je suis cambriolé chez moi. Et voilà le résultat. Le tout en moins de 686 millisecondes. Et complètement à votre insu. Dans la perspective de la diffusion du prochain documentaire d'Histoire vivante, une nouvelle diffusion, Edward Snowden, ennemi d'État, nous avons choisi de reprendre le dossier des Big Data auquel nous avions consacré en 2015 quelques émissions en compagnie d'Elena Aronova, chimiste de formation qui, après avoir travaillé en Russie dans un laboratoire de biologie, a orienté ses recherches vers l'histoire et plus précisément l'histoire des sciences. Quelques lignes extraites de ses travaux. Après la Seconde Guerre mondiale, deux projets à grande échelle sont devenus des modèles à travers le monde pour les initiatives scientifiques guidées par les données, les data. L'année géophysique internationale, 1957-1958, et le programme biologique international, 1964-1974. Le programme biologique international était considéré par ses organisateurs comme un moyen de promouvoir la big science dans l'écologie. Alors que le terme big science gagnait en notoriété dans les années 60, le projet Manhattan et le programme spatial national furent des exemples paradigmatiques. Mais les scientifiques trouvèrent en l'année géophysique internationale un modèle alternatif, un ensemble synoptique de données observable à une échelle mondiale. Ce nouveau modèle, potentiellement complémentaire de Big Science, englobait les domaines de l'écologie et proposait un modèle pour les sciences naturelles pour qu'elles atteignent la grandeur et l'importance des sciences expérimentales. Un programme qui, en chemin, rencontra quelques difficultés. Les propos d'Elena Aronova pour cette nouvelle émission seront traduits, comme chaque jour, par Coralie Tripier et enfin, au micro d'Histoire vivante, Bernard Reva, physicien, historien des sciences, également organiste, mais nous n'avons pas osé pousser trop loin nos requêtes. Aujourd'hui, la suite des entretiens, terrain versus labo. Comme vous le savez, l'histoire n'a pas véritablement commencé au XXe siècle. Grâce à Elena Aronova, nous avons évoqué quelques pages du XXe siècle. Mais on va faire un petit travail d'histoire plus avancé, puisque dans le domaine des précurseurs, Bernard Reva, je pense que vous avez un certain nombre de choses à nous dire. Et parmi ces choses à nous dire, vous dites il faudrait arriver à comprendre et à situer ce qui pourrait à un moment être une sorte de divorce ou de séparation entre, allez pour le dire avec des mots faciles à comprendre, les gens de terrain et les gens de labo, les physiciens de terrain et les physiciens de labo, comme nous avons dans les entreprises, vous savez, les gens de bureau et puis les gens de terrain, ceux qui mouillent véritablement la chemise. Non, pardon, ceux des bureaux mouillent également la chemise, surtout quand ils se font engueuler. Mais revenons à ces questions de physiciens de terrain et physiciens de laboratoire. Vous nous dites, allez collecter de la donnée. On a commencé il y a très longtemps et dans des expériences, par exemple, d'ascension de montagne, qui nous font dire comment ça, aller grimper une montagne, et c'est faire également de la science. Est-ce que vous pourriez, Bernard Reva, nous renvoyer un petit peu au bon vieux temps d'Horace Bénédicte Saussure, ou nous parler peut-être également de l'expérience d'Humboldt, ou encore de ce cher bon Charles Darwin qui nous rappelle quand même nos origines. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette physique du terrain et qu'est-ce que les physiciens du labo vont apporter dans leurs différences ? Le clivage entre la physique de laboratoire et la physique de terrain est effectivement un clivage extrêmement important, mais qui apparaît, je dirais, de façon indirecte, et en tout cas qui n'apparaît pas du tout dans le cadre d'un cursus disciplinaire traditionnel, disons jusqu'à un diplôme ou ce qu'on appelle aujourd'hui un master. C'est quelque chose qui apparaît plus tard, au moment où on se pose la question de la collecte des données. Et c'est pour ça que ça nous interpelle aujourd'hui, c'est quelles sont les modalités de cette collecte de données. Alors, il s'avère que c'est une ligne qui sépare la physique à l'intérieur d'elle-même, entre les physiciens qui sont les descendants de ce qu'on appelait les naturalistes au 18e et au début du 19e siècle, qui eux s'intéressent à aller collecter les données sur le terrain, comme vous l'avez dit, et puis les physiciens de laboratoire qui ont une approche inverse, qui visent à développer des dispositifs sur lesquels le monde extérieur aura le moins d'interférences possible. Et typiquement, pour ces dispositifs, on en a un très près de chez nous, qui est le CERN, on essaye de s'écarter, d'échapper au monde et à ses influences, par exemple en s'enterrant littéralement 30 mètres sous terre, pour éviter toute une série d'effets qui pourraient perturber les mesures. Pour reprendre un exemple local qui était typique d'un personnage comme Horace Bénédicte de Saussure, physicien, à l'époque on disait naturaliste genevois, et son itinéraire est tout à fait typique de cette science de terrain, dans le sens où vous avez deux effets qui participent de sa carrière scientifique. L'un est la conquête de l'espace naturel, en particulier des derniers espaces inconnus, qui à l'époque dans la région étaient typiquement le sommet du Mont Blanc. Mais cette aventure d'aller au sommet du Mont Blanc, dont il fut l'un des premiers ascensionnistes, est liée à la collecte de mesures scientifiques, de mesures de température, de mesures hygrométriques et de mesures de pression un peu plus tard. Et d'ailleurs, ici, pour poursuivre sur cette idée-là et donner une anecdote sur les pratiques de l'alpinisme au début du 19e siècle, elles étaient complètement liées au fait de ramener des mesures scientifiques. Ce qui veut dire que l'aspect prestigieux de faire un sommet ne pouvait pas exister sans la pratique scientifique en même temps. Et c'est seulement à partir de la deuxième partie du 19e siècle qu'on a l'apparition des aventuriers alpinistes qui font des exploits pour faire l'exploit. Typiquement l'ascension du Cervin. Et déjà dans cette deuxième phase, vous avez des alpinistes qui font un exploit qu'on qualifierait aujourd'hui de quasiment sportif, même si le terme est... Ce qui veut dire que dans les revues, par exemple, des meilleurs alpinistes du monde, qui est une petite revue hebdomadaire ou mensuelle, que sais-je, il y a à l'intérieur contenu les relevés scientifiques qui sont pris lors de l'expédition, pris dans le... Alors c'est un point très intéressant, et c'est même l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les alpinistes qui vont publier dans les revues scientifiques. Oui. Et on a des exemples de mesures scientifiques complètement alibis, où des alpinistes prennent un instrument de mesure uniquement pour faire valider leur première ascension dans une revue scientifique. Parce que les revues scientifiques existent, comme vous le savez, bien avant la revue du Club Alpin ou les revues d'ascensionnistes. Et donc c'est seulement dans une deuxième phase, deuxième partie du 19e siècle, qu'on a des revues particulières qui permettent de valider une ascension. Et donc les premiers ascensionnistes validaient leur ascension dans les revues scientifiques. À l'époque de Darwin et de Humboldt, qui est aussi un très grand exemple de... Donc fin 19e siècle. Hein. Voilà. On a en parallèle déjà une pratique du laboratoire. On peut faire remonter la pratique du laboratoire quelque part à Boyle, en Angleterre, avec les questions qui se posent sur la pertinence et la qualité des artefacts. Car ce sont des artefacts de laboratoire qu'on construit pour valider des théories scientifiques. Et les questions se posent, en particulier Hobbes, il y a une controverse très célèbre entre Boyle et Hobbes au sujet de la qualité de l'expérience de laboratoire, qui n'est accessible qu'à des initiés ou des gens fortunés qui peuvent se payer ces équipements. Donc ces deux traditions ont toujours existé en parallèle. Alors maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que je qualifierais ou ce que je décrirais comme une certaine épaisseur des données qui sont collectées sur le terrain. Et que les données sur le terrain ont une valeur différente, ont un poids, on dirait, en statistiques différents, du fait qu'elles sont rares, elles sont chères, Elle nécessite des moyens importants, une expédition coûte cher, vous avez cité l'expérience de Darwin. Et puis dans le contexte de la guerre froide, ce type de collecte de données nécessite des alliances avec des acteurs non scientifiques. Il y a des négociations entre scientifiques de différents pays, mais à l'intérieur des différents espaces, on qualifiera politiques, par exemple l'Union soviétique ou les États-Unis, un scientifique qui souhaite faire une mesure de biologie sous-marine ou une mesure météorologique au pôle Nord doit faire une alliance avec d'autres acteurs. Et ces acteurs sont des acteurs stratégiques, essentiellement des acteurs militaires, qui vont participer à l'expédition, mettre à disposition des ressources logistiques pour effectuer ces mesures. Vous imaginez qu'aller dans les abysses, faire des mesures de biologie marine à des milliers de mètres de profondeur, ce n'est pas une simple affaire. Et donc ces sciences créent ces alliances pour pouvoir collecter les données. D'un autre côté, le scientifique qui peut s'isoler dans son laboratoire ne crée pas le même type d'alliance. On sait que le big science de la physique des particules est aussi le résultat d'une négociation, mais un petit peu différente, dans le sens où les physiciens des particules sont considérés par le pouvoir comme une espèce d'armée en réserve de gens extrêmement compétents qu'on pourra remobiliser le cas échéant si une situation telle que la Deuxième Guerre mondiale se présentait. Et c'est dans ce contexte-là que des moyens très importants sont mis à disposition des laboratoires de physique des particules, sans qu'on leur demande des dividendes de leur activité immédiate. Mais là, évidemment, je ne parle pas du tout de la perception que les scientifiques ont de cette période ou de cette activité, mais vraiment de la façon dont elle a été construite par le pouvoir politique, dans le but de préserver des ressources qui peuvent devenir stratégiques le cas échéant. Ce qui est différent dans les sciences du terrain, c'est que vous devez rendre ce qu'on vous a donné immédiatement. C'est-à-dire que vous avez besoin des ressources logistiques, particulières militaires, pour aller sur le site où vous allez faire les mesures. Les physiciens des particules de laboratoire ont quelque part pu reporter le paiement en retour qu'on attendrait d'eux, et dans les faits, on ne leur a jamais demandé parce que la même situation ne s'est pas présentée. Et ce qui fait que la physique des particules peut se développer dans un environnement qu'on pourrait qualifier d'une certaine façon de privilégié. L'année géophysique internationale est, à mon avis, la plus grande aventure scientifique qui ait jamais été tentée. Les savants n'ignoraient pas, grâce à des observations faites depuis plus d'un siècle, que le cycle des tempêtes solaires, tous les 11 ans, connaîtrait une pointe périodique en 1957 et 1958. Quelques 5000 savants, appartenant à presque tous les pays du monde, ont exécuté un plan mondial de recherche sur les météores, la climatologie, la météorologie, l'application des méthodes spectrographiques, l'interprétation des sondages ionosphériques, l'utilisation des fusées. Au cours de l'année géophysique internationale, ces techniques sont appliquées avec une ampleur sans précédent. Elena Aronova, cette distinction entre les physiciens de terrain et les physiciens du laboratoire, telle qu'elle est exposée par Bernard Reva, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé? Est-ce que, à l'occasion de cette année internationale de la géophysique, nous n'avons plus affaire qu'à des physiciens de laboratoire qui, pas seulement physiciens, mais disons scientifiques de laboratoire qui échangent leurs données, ou y a-t-il précisément à la fois des scientifiques de laboratoire et des scientifiques de terrain qui échangent ou additionnent leurs données, leurs informations? Great question, and I had a reaction and a c'est une excellente question et j'ai beaucoup aimé votre intervention, Bernard. Si je peux faire une suggestion complémentaire, je dirais, pour parler de votre question donc sur les pratiques dans les histoires naturelles, l'un des effets du scientifique, de l'internationalisme scientifique, c'est d'avoir effacé en quelque sorte la frontière qui existait entre la science du laboratoire et la science sur le terrain. Cela a permis de relégitimer les histoires naturelles de Humboldt et de Darwin de la fin du 19e siècle. Pour Darwin, la géologie, la botanique, la zoologie, cela faisait partie d'une même chose, c'était l'histoire naturelle. Il est intéressant d'ailleurs de noter qu'à cette époque-là, la géologie, c'était la plus importante des sciences, pas la physique. géophysique. Pour revenir sur l'année internationale de la géophysique, elle a permis de légitimer cette approche interdisciplinaire, d'effacer les frontières, comme je l'ai dit, entre la science sur le terrain et la science dans le labo. Notamment dans un aspect très important, c'est la collecte des données qui a été faite au sein des centres mondiaux. Ces données étaient à la fois générées par des instruments, mais c'était aussi des données qui étaient collectées par des scientifiques et des amateurs. Et c'était un véritable défi pour ces centres mondiaux que de les réunir et de les garder dans un même centre. On retrouve donc des archives d'une diversité incroyable. Et alors oui, nous avons cette diversité actuellement avec le Big Data, mais il faut bien dire que cette diversité s'est un peu perdue en chemin avec l'apparition de la numérisation des données qui est devenue monnaie courante dans les années 1970. Concernant votre réponse sur le clivage, c'est aussi un des effets de la guerre froide, c'est qu'elle a permis de nouvelles possibilités pour les traditions scientifiques qui avaient été marginalisées lors de l'émergence de la science en laboratoire et de la physique. Bernard Rova, je vois que vous levez la main avec une certaine forme d'impatience. Vous souhaitez intervenir dans ce riche débat. Absolument. Donc, je souhaitais rebondir sur une petite phrase qui a été prononcée tout à l'heure, tout au début par Elena Aranova, sur un big data pré-électronique. Et ça, c'est une question vraiment intéressante parce que dans le sens commun, il est évident que, il paraît plutôt évident que le big data avait besoin d'Internet, ou en tout cas avait besoin de superordinateurs. Or, il s'avère qu'un big data a existé avant l'ère digitale, et j'imagine que c'est ce que vous entendiez par électronique, et donc on aurait un big data analogique. Alors, maintenant, la question, pour moi, c'est tout à fait nouveau que les deux choses puissent être liées, et donc ce qui m'intéresse, c'est les modalités et les supports techniques qui auraient participé au développement d'un big data analogique, qui sont complètement inconnus pour moi, et j'aimerais bien en savoir plus là-dessus. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait du big data analogique? Quels sont les supports? Quels ont été les obstacles? Et puis une autre question, c'est comment l'approche analogique s'est répartie dans cette époque sur laquelle vous avez travaillé entre les différents acteurs, Est, Ouest, qui en ont été les promoteurs? Voilà, comment est-ce qu'on fait du big data analogique? Okay, big data without computers or before the computers. Alors, le big data sans les ordinateurs, même avant les ordinateurs, c'est une longue histoire. Nous parlons des technologies du big data. Alors, peut-être que nous pourrions commencer par revenir à Alexandre Humboldt. Bernard talked about natural histories and the practices of data collection. Nous avons parlé de l'histoire naturelle et de la collection des données sur le terrain. Certains historiens considèrent qu'il y a une rupture importante qui a été faite dans l'histoire des données ou même l'histoire du big data puisqu'on en parle. Cette rupture s'est produite aux alentours de 1800. Cela veut dire qu'on n'était plus vraiment dans des pratiques centrées sur l'individu. Alexandre Humboldt, c'est-à-dire qu'il avait des assistants qui l'aidaient, mais ses recherches, ses résultats étaient centrés sur un individu. D'ailleurs, lui et d'autres scientifiques ont réussi à influencer la façon d'analyser les données. Donc il y a eu Carl Linné de Suède, Hans Sloane du Royaume-Uni, Humboldt bien sûr, et Darwin qui lui-même a réussi à utiliser très efficacement différentes ressources, notamment des ressources humaines. Mais il s'agissait de son entreprise à lui. Au XIXe siècle, on a vu émerger des institutions, par exemple le Musée d'histoire naturelle à Paris, le Jardin des plantes après la Révolution française, le British Museum à Londres et d'autres institutions qui ont changé la façon d'analyser les données et qui ont organisé une certaine forme de coopération. collections and also of the ways how people worked with those collections. À l'époque, ces technologies d'analyse des données, de conservation des données, c'était des technologies qui se faisaient sur papier. D'ailleurs, Carl Linné en est un exemple parfait. Il a cherché à faire une classification des plantes, mais également à se pencher sur la façon dont on allait gérer, analyser les données. For example, to count species. Il s'agissait de créer un système qui permettrait aux naturalistes d'analyser les données. That kind of technology of both numerical and analog data. Donc, pour revenir à votre question de la technologie utilisée pour le big data, à l'époque, c'était des fiches papier que l'on peut d'ailleurs toujours retrouver dans les bibliothèques et sur lesquelles on voit le nombre des espèces existantes, etc. Et la rupture suivante qui est arrivée, c'est environ aux alentours de 1900, avec une tentative de plus en plus soutenue d'automatiser la gestion des données afin de répondre au problème de l'information auquel on faisait face, un problème qui avait été identifié par Humboldt lui-même. Alors il disait que le manque de données, c'était très grave, mais non seulement il fallait avoir plus de données, mais il fallait aussi savoir comment les assembler, les conserver. Automatic became the question. Et il était important de répondre à cette question. Alors, cette volonté d'automatiser la gestion des données est devenue la grande question au XXe siècle. Et différentes technologies ont permis de relever ce défi. Les ordinateurs ne sont qu'une de ces technologies. Un autre aspect de l'histoire du Big Data qui m'intéresse énormément, c'est le rôle qu'ont joué les appareils mécaniques par opposition aux appareils électriques. Je parle ici plutôt des microfilms, des photographies, de ces supports qui ont également permis de gérer et d'analyser les données, d'automatiser ce traitement des données. Point sur lequel j'aimerais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, c'est la question d'un certain déterminisme dans les sciences et dans les technologies. Et l'histoire de l'analogique et du digital est claire. Aujourd'hui, le digital est dans la plupart des instruments que nous utilisons et on a l'impression qu'il y a une espèce de déterminisme technologique ou scientifique qui nous aurait amené à ce point-là. Mais la question qui se pose, c'est quelles sont les conditions historiques qui ont encadré la prise de pouvoir du numérique dans notre espace, et est-ce que ce sont des mécanismes irréversibles ou est-ce qu'on a aussi des façons de gérer l'information qui ne passeraient pas par le digital, en particulier d'autres types d'ordinateurs, et on sait qu'il y a des recherches qui se passent là-dedans. Donc l'histoire n'est peut-être pas terminée quant à la domination du digital sur le numérique, mais en tout cas il encadre un grand nombre de nos activités quotidiennes. Le point aussi sur lequel j'aimerais rebondir sur la fracture ou disons l'opposition analogique digitale, c'est une autre opposition qui est sur l'utilisation qui est faite des données. Ce qui semble apparaître dans le big data, c'est une espèce de collecte, on dira non structurée, très très large, dont le sens qui peut être construit sur ces données pourrait venir a posteriori. D'abord, on collecte avec un grand râteau et après, on verra bien ce qui se passe, c'est ça? Et là, j'aimerais interroger Elena Aronova sur ce qu'on appellera un peu l'épistémologie, c'est-à-dire quelle est la vision de ce que notre connaissance peut appréhender et accrocher du monde dans le contraste entre deux approches. L'approche qu'on dira Big Data et qui remonte, comme vous l'avez dit plusieurs fois, assez loin, certains auteurs le feraient, pourraient même le faire remonter même jusqu'à la Renaissance, une approche qui repose plutôt sur la collecte et la classification, et qui s'opposerait à une autre approche très traditionnelle de la physique de laboratoire, qui s'oppose plutôt sur la théorie, la mesure comme outil de validation de cette théorie. Est-ce que c'est une ligne de fracture une opposition ou une nuance qui a du sens et que vous voyez dans vos travaux? Elena Aronova. It's very difficult to draw a line between those two and two. Il est très difficile d'établir une frontière précise entre ces deux modes de gestion des données. Lorsqu'on se penche sur les pratiques scientifiques, qu'il s'agisse de la physique ou de la botanique, on retrouve ces deux modes. D'un côté, la classification et de l'autre, les liens de causalité où l'on se base sur des expériences. Bien sûr, les pratiques expérimentales font partie de n'importe quelle activité scientifique. Bernard Reva, on a le sentiment que sur l'histoire de la collecte de données, il y a une hypothèse de travail qui serait collecte intentionnelle. On a l'intention d'aller ramasser des données. Hasard de la collecte, on ne sait pas tellement si l'on va collecter. Je repense à votre saussure qui gravite. Il est en situation de collecter des données, mais il ne sait pas trop finalement s'il va pouvoir véritablement en collecter. Cette part entre on ne sait pas bien où on va, on verra bien si on va trouver, et puis cette intention, j'allais dire presque surdéterminée, de trouver forcément quelque chose, est-ce que c'est une ligne de partage qu'on le retrouve fréquemment dans l'approche scientifique, une ligne de partage assez nette et presque systématique dans les disciplines scientifiques que vous avez pu approcher, analyser, tenter de comprendre? Je pense que tout ce que nous avons décrit jusqu'à maintenant, ce sont les scientifiques qui ont un projet et qui vont faire une collecte de données. On l'a élargi à ce qu'on appellerait aujourd'hui la science citoyenne, c'est-à-dire d'autres acteurs ou de la science amateur, d'autres acteurs qui vont participer. Mais on peut partir du point de vue que tous ces acteurs ont un projet de ramener des données scientifiques. Alors maintenant, ce qui peut se passer, qui va un peu dans la direction de votre question, c'est que on a des événements qui ne sont pas du tout attendus. J'aimerais en citer un qui s'est passé dans les époques que Elena Aronova a décrit tout à l'heure, qui est la découverte de ce qu'on appelle en anglais les flash gamma, et qui tient en fait de l'observation du territoire soviétique pendant les années 60 et 70, en vue de détecter des essais nucléaires non couverts par les traités qui existent à l'époque, des essais secrets non communiqués par l'Union soviétique. Et en fait, ces satellites ont observé des flashs gamma qui auraient pu correspondre à des essais nucléaires, mais qui étaient en fait des phénomènes astronomiques ou astrophysiques. Donc naturel. Donc de naturel. Et ça, c'est un événement très important de l'histoire de l'astronomie, parce que c'est une des classes de phénomènes astrophysiques à très haute énergie qui sont toujours étudiés, qui sont extrêmement complexes, mais qui en fait ont été découverts de façon incidente, alors que l'objectif était tout autre. Et donc tout d'un coup, on branche la même mesure sur un domaine complètement différent. Donc on passe de quelque chose qui est du pur politique, un petit peu entre l'espionnage, la technologie et les relations géostratégiques, à quelque chose qui est de l'ordre de la mesure de l'astrophysique. Et c'est ce à quoi je faisais mention tout à l'heure dans ces négociations entre les scientifiques et leurs alliés encombrants que sont les militaires. Et donc on a ces points où ça bascule. Donc là, on est typiquement à quelque chose qui peut se passer dans la recherche scientifique, c'est que le statut d'un objet, d'une mesure, change complètement et passe, comme on l'a dit, de quelque chose de plutôt stratégique ou de l'espionnage à un vrai objet avec une pure légitimité scientifique et duquel vont se désintéresser les militaires ou les scientifiques. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a autre chose qui se passe dans le big data, dans la collecte, ce sont les robots qui collectent des données. Mais je vais vous interdire de poursuivre plus avant, Bernard Reva, parce que ça va être précisément le centre de l'émission de demain. Donc si vous le voulez bien, gardez très précisément cette question dans votre esprit, afin que nous poursuivions dès demain et que nous ayons d'ailleurs des éléments de réponse d'Elena Aronova, qui seront donc traduits par Coralie Tripier. Je vous rappelle que nous passons ces jours-ci, nous essayons de nous intéresser au big data en ayant fait venir autour du micro deux historiens des sciences qui, dans leur domaine, y ont travaillé. Donc on se réjouit d'avoir leur interprétation, leur expertise sur cette question-là dès demain.